à ta perte. Pourtant j'ai monté ma braguette, ma bouche ne s'est plus ouverte. J'ai souri mieux que la lune, j'ai brillé mieux que l'étoile, j'ai prié un dieu que j'ai inventé. Il croit moins en moi que moi en moi, mais je garde la foi, les genoux plantés dans le bois. Je cours à ta perte avec ma chemise ouverte. Je nage dans mes larmes, t'es aiguisé comme une arme. Ne me plante plus, ne me plante plus, ne me plante plus, ne me plante plus, ne me plante plus, ne me plante plus, ne me plante plus, ne me plante plus. Je cours à ta perte, j'ai tout échoué. La baleine, le dauphin, le crabe, la crevette crevée sur le sable. Mon t-shirt est désolé, avec ses plis sur les côtés. Je me suis pardonné, tu devrais me pardonner. Je te regarde, je m'en lasse, jamais, jamais, jamais, jamais je t'en lasse. Tu dégages, tu dégages, je t'enlace, je cours à ta perte avec ma chemise ouverte. Je nage dans mes larmes, t'es aiguisé comme une arme. Ne me plante. Je nage dans mes larmes.